Premier livre de Samuel, chapitre 10. Or Samuel avait pris une fiole d'huile, laquelle il répandit sur la tête de Saül, puis il le baisa, et lui dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint sur son héritage, pour en être le conducteur ? Quand tu seras aujourd'hui parti d'avec moi, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tselsa, qui te diront, « Les ânes que tu étais allé chercher ont été trouvés, et voici, ton père ne pense plus aux ânes, et il est en peine de vous, disant, « Que ferai-je au sujet de mon fils ?» Et lorsqu'étant parti de là tu auras passé outre, et que tu seras venu jusqu'au bois de chêne de Tabor, tu seras rencontré par trois hommes qui montent vers Dieu, en la maison du Dieu fort, l'un desquels porte trois chevreaux, l'autre trois pains, et l'autre un baril de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains, que tu recevras de leurs mains. Après cela tu viendras au coteau de Dieu, où est la garnison des Philistins, et il arrivera que sitôt que tu seras entré dans la ville, tu rencontreras une compagnie de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une musette, un tambour, une flûte, et un violon, et qui prophétisent. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et quand ces signes-là te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, et sacrifier des sacrifices de prospérité, tu m'attendras là 7 jours, jusqu'à ce que je sois arrivé vers toi, et je te déclarerai ce que tu devras faire. Il arriva donc qu'aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu changea son cœur en un autre, et tous ces signes-là lui arrivèrent en ce même jour. Car quand ils furent venus au coteau, voici une troupe de prophètes vint au devant de lui, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Et il arriva que quand tous ceux qu'il avait connus auparavant eurent vu qu'il était avec les prophètes, et qu'il prophétisait, ceux du peuple se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-il arrivé au fils de qui ? Saül aussi est-il entre les prophètes ?» Et quelqu'un répondit, et dit, « Et qui est leur père ?» C'est pourquoi cela passa en proverbe, « Saül aussi est-il entre les prophètes ?» Or Saül ayant cessé de prophétiser, vint au lieu. Et l'oncle de Saül dit à Saül et à son garçon, « Où êtes-vous allés ?» Et il répondit, « Nous sommes allés chercher les ânes, mais voyant qu'elles ne se trouvaient point, nous sommes venus vers Samuel. » Et son oncle lui dit, « Déclare-moi, je te prie, ce que vous a dit Samuel. » Et Saül dit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânes s'étaient trouvés, mais il ne lui déclara point, le discours que Samuel lui avait tenu touchant la royauté. Or Samuel assembla le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, j'ai fait monter Israël hors d'Égypte, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Mais aujourd'hui vous avez rejeté votre Dieu, lequel est celui qui vous a délivré de tous vos maux, et de vos afflictions, et vous avez dit, « Non, mais établis-nous un roi. » Présentez-vous donc maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus, et selon vos milliers. » Ainsi Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut saisie. Après il fit approcher la tribu de Benjamin selon ses familles, et la famille de Matri fut saisie, puis Saül fils de Kis fut saisi, lequel ils cherchèrent, mais il ne se trouva point. Et ils consultèrent encore l'Éternel, en disant, « L'homme n'est-il pas encore venu ici ? » Et l'Éternel dit, « Le voilà caché parmi le bagage. » Ils coururent donc, et le tirèrent de là, et il se présenta au milieu du peuple, et il était plus haut que tout le peuple depuis les épaules en haut. Et Samuel dit à tout le peuple, « Ne voyez-vous pas qu'il n'y en a point en tout le peuple qui soit semblable à celui que l'Éternel a choisi ?» Et le peuple jeta des cris de joie, et dit, « Vive le roi !» Alors Samuel prononça au peuple le droit du royaume, et l'écrivit dans un livre, lequel il mit devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya le peuple, chacun en sa maison. Saül aussi s'en alla en sa maison à Geba, et les gens de guerre dont Dieu avait touché le cœur, s'en allèrent avec lui. Mais il y eut de méchants hommes qui dirent, « Comment celui-ci nous délivrerait-il ? » Et ils le méprisèrent, et ne lui apportèrent point de présents, mais il fit le sourd.